Wesh la famax, sortez les famas. On est chavax, Air Max, T-Max. Bams Badji, H3 qui a trop de Kaji. 8 Magnum, 16 Racli. J'vois tout en double. Ah, c'est l'effet de groupe. Vision très sombre, vision très trouble. Après 4 heures, plus de comportement. Fais la passe des débordements. Tire, frappe, cadré. Tiens-le sans le frater. J'suis en 4G. Sur Snap, je vais l'engager. Grosse bagarre. Pépère, c'est le bazar. J'suis avec Amar, le berbère barbare. Tu parles pourquoi, tu baises ou pas, t'es vierge ou quoi, t'as tes règles ou quoi. Tu parles beaucoup, petite bohème, vire-la d'ici, meuf un problème. CP couleur pétrole, dis-moi y'a un bémol. Zéro tracas, trop de blabla. CP couleur pétrole, dis-moi, y'a un bémol. Zéro tracas, trop de blabla.